La veille du bonheur par François de Nyon. Ah, pensa Jacques Vital, une lettre d'elle. Parmi la main d'enveloppe que le garçon du journal lui tendait, il reconnaissait du premier coup d'œil l'écriture haute, fière, les caractères d'imprévu et de chimère, les lignes d'elle. Quand, il y avait 3 ans déjà, on lui avait remis la première, comme cette fois-ci parmi d'autres, son regard avait été frappé, guidé vers le mystère de ces signes légers, de cette âme des lettres qui montait vers lui dans la brume violette de l'encre. Et après cette enquête rapide, cette pesée, cette flairée particulière à l'homme devant l'inconnu de l'enveloppe, les femmes la déchirent, elles, brusquement, plus curieuses, moins défiantes. Il avait été conquis du coup par la simplicité, la naïveté digne et franche du sentiment qui venait à lui. On le lisait, on le suivait depuis longtemps. Ses articles et ses livres étaient attendus, désirés, parce qu'ils révélaient toujours une qualité d'âme, signifiaient des idées sinon pareilles, du moins correspondantes. Certains écrivains, disait-on, pouvaient, devaient remplacer dans certaines circonstances ces admirables directeurs de conscience, qui, au XVIIe siècle, manièrent et régirent si heureusement l'esprit du temps, l'esprit des femmes. Leur subtilité même en faisait d'heureux casuistes, d'habiles connaisseurs en caractère, les disposés à comprendre les variations infinies et délicates d'une mentalité féminine. Vital avait tourné la page, le mot de mentalité le choquant par sa pédanterie, mais la fin de la lettre était d'une grâce si fraîche qu'il avait souri, désarmé. Et à son grand étonnement à lui-même, quelques jours plus tard, il avait répondu aux initiales données L, F. L'inconnu, discrètement, après s'être fait attendre un peu, remerciée, touchée, heureuse. Il y avait 3 ans que cette correspondance se poursuivait. Peut-être au début y avait-il un peu de littérature en tout cela. Il n'est pas bien sûr que Jacques n'ait pas fait recopier, avant de les expédier, quelques-unes de ses lettres avec l'économique et pratique pensée d'un roman en train de s'écrire tout seul. Mais bientôt il cédait au charme impersonnel, désincarné de L.F., et cette copie désintéressée devenait pour lui la plus précieuse vacance au milieu de l'énorme labeur. Tantôt elle lui commentait ses contes ou ses livres, indiquant d'une plume légère ce qu'elle aimait mieux, ce qu'elle aimait moins, disant les pourquoi avec une justesse inouïe. Elle devenait ainsi la voix du public, une voix sans visage et sans nom. Elle personnifiait le vague murmure, l'infinitésimale sensation par quoi l'écrivain est averti d'avoir plu ou déplu. D'autres fois, elle parlait d'elle, sollicitait un conseil, souhaitait une opinion. Dans ces cas-là, elle mettait son âme à nu, une petite âme très compliquée et très simple, faite de sensations plutôt que de pensées, curieuse et distraite, pratique et sentimentale, volontiers attachée d'ailleurs à s'analyser et à s'expliquer par une sorte de fatuité intellectuelle, qui est assez commune chez les femmes. C'est une brave petite bourgeoise inoccupée, à qui manque un confesseur, disait le psychologue à ses heures moroses. Car il ne savait rien d'elle, pas même de sa personne physique. Seulement cette phrase hypocrite un jour glissée, « Moi qui ne suis pas trop laide, dit-on. » Jacques savait aussi qu'elle était veuve. Il l'imaginait vivant une existence chaste, nette, réglée, dans une maison proprette et bien cirée. Il aimait à la créer dans ses rêves. Jacques Vital éparpilla du pouce le paquet de lettres sur les coussins du fiacre qu'il emportait. Des enveloppes jaunes à en-tête, des bleues aux adresses élégantes, des enveloppes fanées aux suscriptions maladroites et grossières. Sans ouvrir, il reconnaissait. Offres de fournisseurs, tentatives d'aventurières, injures d'anonymes. Pourtant, par acquis, il rompit les angles, parcourut les missives. Une seule l'intéressait. Il la regardait plus souvent à mesure que le tas décroissait, goûtant un plaisir dans son impatience matée de la lire. La voiture passait sous les arbres de l'avenue Gabriel. Une fraîcheur verte faisait place à la sécheresse brûlante des rues et des places. Il respira, regarda le ciel voilé d'arbres, les arbres éclairés de ciel, huma une gorgée heureuse. Il lisait. Oui, j'ai compris votre dernier livre et son titre si triste, La veille du bonheur. Je sais que tous, ou presque tous, nous croyons toujours être à cette veille-là, et que nous n'en atteignons jamais le lendemain. peut-être bien heureux encore d'avoir au moins gardé l'illusion. Il me semble, et surtout depuis vos dernières lettres, que ce roman a été un peu écrit pour nous, d'après nous, et cela me rend si fier et me met si haut à mes yeux d'être pour si peu que ce soit quelque chose dans votre œuvre. Je voudrais vous poser une question. Si Rodolphe de Montal avait rencontré Madeleine avant son mariage, au lieu de ne la connaître que 2 ans après, croyez-vous que leur vie n'aurait pu être changée? Croyez-vous qu'ils n'auraient pu conquérir ce lendemain du bonheur, insaisissable suivant vous? Il y a, beaucoup plus que vous ne le pensez, une parité de situation entre ces personnages de votre roman et nous, personnages de la vie. Au moment de prendre une décision grave et irrévocable, je voudrais faire enfin tomber ce voile à travers lequel nous nous parlons depuis 3 ans. Le voulez-vous aussi? Il m'a semblé lire ce désir à travers les lignes de vos dernières lettres. Mon Dieu, comment régler les formes de cette rencontre? Il faut bien que ce soit terriblement banal puisque vous ne me connaissez pas de vue, enfin. Voulez-vous vous trouver demain à 9 heures du soir au pied du cheval de Marly de droite, dans l'avenue des Champs-Élysées? Je tiendrai à la main une petite botte de rose et j'aurai une robe bleue. Vous, vous n'aurez pas besoin de signes puisque je vous connais par vos photographies. Pourtant, piquez votre boutonnière d'une fleur pareille, afin que nos bouquets du moins se saluent. Voulez-vous, ami ? Jacques Vital s'habilla avec lenteur. En brossant ses cheveux devant sa glace, il considérait son visage vieilli, fatigué de travail et de pensée, ses traits détendus par les découragements, tirés par les luttes, notait le pli amer et désenchanté de sa lèvre. Et derrière lui, comme un fantôme, passait et disparaissait sa figure de souvenir, sa face éclairée et ardente d'autrefois. Il songeait que par coquetterie ou par insouciance, il ne s'était pas fait photographier depuis longtemps. Les portraits de lui qu'on donnait retardaient au moins de 10 ans. Si elle ne m'a jamais vu autrement, je ferais bien de mettre la rose. Il sépara une fleur de la petite botte apportée par son domestique, l'éleva en l'air. C'était une roseté d'une langueur fragile. Quelques pétales tombèrent. Jacques reposa la fleur avec un sourire. « La vulgaire prudence, » murmura-t-il, « restons anonymes. » Il sortit. L'air était doucement lumineux, comme si des élans mourants de soleil palpitaient encore dans l'étendue. Malgré le bruit criard des cafés chantants sous les arbres et le grondement des autos sur la chaussée, le silence suprême de la nuit dominait dans les sombres allées. Les branches étaient lourdes du sommeil des oiseaux. Pourtant, l'ombre s'ouvrait, poussant devant lui des couples, des toilettes claires de femmes, des silhouettes d'hommes plus sombres. Tout à l'heure, peut-être, il serait un de ces couples. Le bras de l'ami inconnu frémirait sur sa manche. Pourquoi, comme dans les romans, cela ne se terminerait-il pas plus tard par un mariage? N'était-il pas libre, presque riche? Il s'approchait du piédestal et sa démarche se fit plus courte et plus ramassée. Jacques distinguait sur la blancheur de la pierre une longue et fine attitude penchée, la souple et naïve attente d'une femme aux traits vibrants. À la lueur des électrophones, une nuance dorée de cheveux vint à lui et des yeux de délices brillèrent. Mon Dieu, qu'elle est jolie! Il était dans l'ombre, et elle ne pouvait pas le distinguer. Immobile, il s'enivra de cette image. Mais quelqu'un dépassait l'angle obscur, s'avançait dans la clarté. Jacques vit l'inconnu tressaillir et se lancer. Il eut une rencontre brusque, presque un heurt, un moment d'hésitation, elle murmura. « Pardon, monsieur, je me trompais. » Le passant, après un salut, s'éloignait. L'écrivain, d'un coup d'œil, vit un jeune homme, au très heureux, à la boutonnière fleurie d'une rose. Elle l'a pris pour moi. Un moment, il séjourna dans l'ombre, sentant le bonheur à toucher, toute une nouveauté de joie et d'amour offerte, la possibilité des recommencements. Du bout des doigts sournois, il jeta un baiser à l'inconnu. Il vaut mieux faire souffrir une illusion que de la faire déchoir. Jacques s'effaça, s'absorba dans l'ombre. Ainsi s'achève La veille du bonheur par François de Nyon.